Chapitre 9e, sans contrant. Sir Edward Munro ne se trompait pas. Une masse de 50 à 60 éléphants marchait maintenant derrière notre train. Ils allaient en rang pressé, et déjà les premiers s'étaient assez rapprochés de Steamhouse, à moins de 10 mètres, pour qu'il fût possible de les observer minutieusement. En tête marchait alors l'un des plus grands du groupe, quoique sa taille, mesurée verticalement à l'épaule, ne dépassât certainement pas 3 mètres. Ainsi que je l'ai dit, c'est une taille inférieure à celle des éléphants d'Afrique, dont quelques-uns atteignent 4 mètres. Ses défenses, également moins longues que celles de son congénère africain, n'avaient pas plus d'1,50 m à la courbure extérieure, sur 40 à leur sortie du pivot, ceux qui servent de base. Si l'on rencontre à l'île de Ceylan un certain nombre de ces animaux, qui sont privés de ces appendices, armes formidables dont ils se servent avec adresse, ces mugnas, c'est le nom qu'on leur donne, sont assez rares sur les territoires proprement dits de l'Hindoustan. En arrière de cet éléphant venaient plusieurs femelles qui sont les véritables directrices de la caravane. Sans la présence de Steamhouse, elles auraient formé l'avant-garde et ce mâle fut certainement resté en arrière dans les rangs de ses compagnons. En effet, les mâles n'entendent rien à la conduite du troupeau. Ils n'ont point la charge de leurs petits. Ils ne peuvent savoir quand il est nécessaire de faire halte pour les besoins de ces bébés, ni quelle sorte de campement leur convienne. Ce sont donc les femelles qui, moralement, portent les défenses dans le ménage et dirigent les grandes migrations. Maintenant, à la question de savoir pourquoi s'en allait ainsi toute cette troupe, c'est le besoin de quitter des pâturages épuisés, la nécessité de fuir la piqûre de certaines mouches très pernicieuses, ou peut-être l'envie de suivre notre singulier équipage, la pousser à travers les défilés des Vindhyas, il eût été difficile de répondre. Le pays était assez découvert, et conformément à leur habitude, lorsqu'ils ne sont plus dans les régions boisées, ces éléphants voyageaient en plein jour. S'arrêteraient-ils, la nuit venue, comme nous serions obligés de le faire nous-mêmes, nous le verrions bien. « Capitaine Hood, demandai-je à notre ami, voici cette arrière-garde d'éléphants qui s'augmente. Persistez-vous à ne rien craindre ?»« Pouh !» fit le capitaine Hood. « Pourquoi ces bêtes-là nous voudraient-elles du mal? Ce ne sont pas les tigres, n'est-ce pas, Fox ?»« Pas même des panthères, » répondit le brosseur qui naturellement s'associait aux idées de son maître. Mais cette réponse, je vis qu'Alagani hochait la tête en signe de désapprobation. Évidemment, il ne partageait pas la parfaite quiétude des deux chasseurs. « Vous ne paraissez pas rassuré, Kalagani, » lui dit Banks, qui le regardait au même moment. « Ne peut-on presser un peu la marche du train ?» se contenta de répondre l'hindou. « C'est assez difficile, » répliqua l'ingénieur. « Nous allons cependant essayer. » Et Banks, quittant la véranda de l'arrière, regarda la tourelle dans laquelle se tenait Store. Presque aussitôt, les hennissements du géant d'acier devinrent plus précipités et la vitesse du train s'accéléra. C'était peu, car la route était dure, mais eût-on doublé la marche du train, l'état des choses ne se fût aucunement modifié. Le troupeau d'éléphants aurait hâté son pas, voilà tout. C'est même ce qu'il fit, et la distance qui le séparait de Steamhouse ne diminua pas. Plusieurs heures se passèrent ainsi, sans modification importante. Après le dîner, nous revînmes prendre place sous la véranda de la seconde voiture. En ce moment, la route présentait en arrière une direction rectiligne de 2 000 au moins. La portée du regard n'était donc plus limitée par de brusques tournants. Quelle fut notre très sérieuse inquiétude en voyant que le nombre des éléphants s'était encore accru depuis 1 heure. On ne pouvait en compter moins d'une centaine. Ces animaux marchaient alors en file double ou triple, suivant la largeur du chemin, silencieusement, du même pas pour ainsi dire, les uns la trompe relevée, les autres les défenses en l'air. C'était comme le moutonnement d'une mer que soulèvent de grandes lames de fond. Rien ne déferlait encore, pour continuer la métaphore, mais une tempête déchaînait cette masse mouvante. À quel danger ne serions-nous pas exposés? Cependant, la nuit venait peu à peu, une nuit à laquelle allait manquer la lumière de la lune et la lueur des étoiles. Une sorte de brume courait dans les hautes zones du ciel. Ainsi que l'avait dit Banks, lorsque cette nuit serait profonde, on ne pourrait s'obstiner à suivre ces routes difficiles, il faudrait bien s'arrêter. L'ingénieur résolut donc de faire halte dès qu'un large évasement de la vallée ou quelques fonds dans une gorge moins étroite pourrait permettre au menaçant troupeau de passer sur les flancs du train et de continuer sa migration vers le sud. Mais le ferait-il, ce troupeau, et ne camperait-il pas plutôt sur le lieu où nous camperions nous-mêmes? C'était la grosse question. Il fut d'ailleurs visible qu'avec la tombée de la nuit, les éléphants manifestaient quelque appréhension dont nous n'avions observé aucun symptôme pendant le jour. Une sorte de mugissement, puissant mais sourd, s'échappa de leurs vastes poumons. À ce bruit inquiétant succéda un autre bruit d'une nature particulière. « Quel est donc ce bruit ?» demanda le colonel Munro. « C'est le son que produisent ces animaux, » répondit Kalagani, « lorsqu'quelque ennemi se trouve en leur présence. Et c'est nous ? Ce ne peut être que de nous qu'ils considèrent comme tels ?» demanda Banks. « Je le crains, » répondit l'hindou. Ce bruit ressemblait alors à un tonnerre lointain. Il rappelait celui que l'on produit dans les coulisses d'un théâtre par la vibration d'une toile suspendue. En frottant l'extrémité de leur trompe sur le sol, les éléphants chassaient d'énormes bouffées d'air emmagasinées par une aspiration prolongée. De là, cette sonorité puissante et profonde qui vous serrait le cœur comme un roulement de foudre. Il était alors 9 heures du soir. En cet endroit, une sorte de petite plaine, presque circulaire, large d'un demi-mille, servait de débouché à la route qui conduisait au lac Puturia, près duquel Kalagani avait eu la pensée d'asseoir notre campement. Mais ce lac se trouvait encore à 15 kilomètres et il fallait renoncer à l'atteindre avant la nuit. Banks donna donc le signal d'arrêt. Le géant d'acier demeura stationnaire, mais on ne le détella pas. Les feux ne furent pas même repoussés au fond du foyer. Storr reçut l'ordre de se tenir toujours en pression afin que le train restât en état de partir au premier signal. Il fallait être prêt à toute éventualité. Le colonel Munro se retira dans sa cabine. Quant à Banks et au capitaine Hodd, ils ne voulurent pas se coucher et je préférais demeurer avec eux. Tout le personnel d'ailleurs était sur pied. Mais que pourrions-nous faire s'ils prenaient fantaisie aux éléphants de se jeter sur Steam House ? Pendant la première heure de veille, un sourd murmure continua à se propager autour du campement. Évidemment, ces grandes masses se déployaient sur la petite plaine. Allaient-elles donc la traverser et poursuivre leur route au sud ? « C'est possible, après tout, » dit Banks. « C'est même probable, » ajouta le capitaine Hodd, dont l'optimisme ne bronchait pas. Vers 11 heures environ, le bruit diminua peu à peu et 10 minutes après, il avait totalement cessé. La nuit alors était parfaitement calme. Le moindre son étranger fut arrivé jusqu'à notre oreille. On n'entendait rien, si ce n'est le sourd ronflement du géant d'acier dans l'ombre. On ne voyait rien, si ce n'est cette gerbe d'étincelles qui s'échappait parfois de sa trompe. « Eh bien, » dit le capitaine Hodd, « avais-je raison ? Ils sont partis, ces braves éléphants ?»« Bon voyage, » répliquai-je. « Parti, » répondit Banks en hochant la tête. « C'est ce que nous allons savoir. » Puis, appelant le mécanicien, « Storr, » dit-il, « les fanaux. »« À l'instant, monsieur Banks. » 20 secondes après, 2 faisceaux électriques jaillissaient des yeux du géant d'acier, et par un mécanisme automatique, ils se promenaient à tous les points de l'horizon. Les éléphants étaient là, en grand cercle, autour de Steam House, immobiles, comme endormis, dormant peut-être. Ces feux, qui éclairaient confusément leur masse profonde, semblaient les animer d'une vie surnaturelle. Par une simple illusion d'optique, ceux de ces monstres sur lesquels se plaquaient de violents ménisques de lumière prenaient alors des proportions gigantesques, dignes de rivaliser avec celles du géant d'acier. Frappés de ces vives projections, ils se relevaient soudain, comme s'ils eussent été touchés par un aiguillon de feu. Leurs trompes pointaient en avant, leurs défenses se redressaient. On eût dit qu'ils allaient s'élancer à l'assaut du train. Des grognements rauques s'échappaient de leurs vastes mâchoires. Bientôt même, cette subite fureur se communiqua à tous et il s'éleva autour de notre campement un assourdissant concert, comme si 100 clairons eussent à la fois sonné quelques retentissants appels. « Éteins !» cria Banks. Le courant électrique fut subitement interrompu et le sabbat cessa presque instantanément. « Ils sont là !» « Campés en cercle, » dit l'ingénieur, « ils seront encore là, au lever du jour. »« Hum, » fit le capitaine Hodd, dont la confiance me parut quelque peu ébranlée. Quelle partie prendre ? Kalagani fut consulté. Il ne cacha point l'inquiétude qu'il éprouvait. Pouvait-on songer à quitter le campement au milieu de cette nuit obscure ? C'était impossible. À quoi cela eût-il servi d'ailleurs ? La troupe d'éléphants nous aurait certainement suivis, et les difficultés eussent été plus grandes que pendant le jour. Il fut donc convenu que le départ ne s'effectuerait qu'à la première aube. On marcherait avec toute la prudence et toute la célérité possible, mais sans effaroucher ce redoutable cortège. « Et si ces animaux s'entêtent à nous escorter ?» demandai-je. « Nous essaierons de gagner quelque endroit où Steam House puisse se mettre hors de leurs atteintes, » répondit Banks. « Trouvons-nous cet endroit avant notre sortie des Vindhias ?» dit le capitaine Hodd. Il en est un, répondit l'hindou. Lequel ? Demanda Banks. Le lac Puturia. À quelle distance est-il ? À 9 000 environ. Mais les éléphants nagent, répondit Banks. Et mieux peut-être qu'aucun autre quadrupède. On en a vu se soutenir à la surface de l'eau pendant plus d'une demi-journée. Or, n'est-il pas à craindre qu'ils ne nous suivent sur le lac Puturia et que la situation de Steamhouse n'en soit encore plus compromise ? Je ne vois pas d'autre moyen de se soustraire à leur attaque, dit l'hindou. Nous le tenterons donc, répondit l'ingénieur. C'était en effet le seul parti à prendre. Peut-être les éléphants n'oseraient-ils pas s'aventurer à la nage dans ces conditions, et peut-être aussi pourrions-nous les gagner de vitesse. On attendit impatiemment le jour. Il ne tarda pas à paraître. Aucune démonstration hostile n'avait été faite pendant le reste de la nuit. Mais au lever du soleil, pas un éléphant n'avait bougé, et Steamhouse était entouré de toutes parts. Il se fit alors un remuement général sur le lieu de halte. On eût dit que les éléphants obéissaient à un mot d'ordre. Ils secouèrent leurs trompes, frottèrent leurs défenses contre le sol, firent leur toilette en s'aspergeant d'eau fraîche, achevèrent de brouter çà et là quelques poignées d'une herbe épaisse, dont ce pâturage était amplement fourni, et finalement, ils se rapprochèrent de Steamhouse au point qu'on aurait pu les atteindre à coups de pique à travers les fenêtres. Banks, cependant, nous fit l'expresse recommandation de ne point les provoquer. L'important était de ne donner aucun prétexte à une agression soudaine. Cependant, quelques-uns de ces éléphants serraient de plus près notre géant d'acier. Évidemment, ils tenaient à reconnaître ce qu'était cet énorme animal, immobile alors. Le considéraient-ils comme un de leurs congénères ? Soupçonnaient-ils qu'il eût en lui une merveilleuse puissance ? La veille, ils n'avaient point eu l'occasion de le voir à l'œuvre, puisque leur premier rang s'était toujours tenu à une certaine distance sur l'arrière du train. Mais que ferait-il quand il l'entendrait hennir, lorsque sa trompe lancerait des torrents de vapeur, quand il le verrait lever et abaisser ses larges pattes articulées, se mettre en marche, traîner les deux chats roulants à sa suite ? Le colonel Munro, le capitaine Hod, Callaghany et moi, nous avions pris place à l'avant du train. Le sergent McNeil et ses compagnons se tenaient à l'arrière. Kalout était devant le foyer de sa chaudière, qu'il continuait à charger de combustible, bien que la pression de la vapeur eût déjà atteint 5 atmosphères. Banks, dans la tourelle, près de Store, appuyait sa main sur le régulateur. Le moment de partir était venu. Sur un signe de Banks, le mécanicien pressa le levier du timbre, et un violent coup de sifflet se fit entendre. Les éléphants dressèrent l'oreille, puis reculant un peu, ils laissèrent la route libre sur un espace de quelques pas. Le fluide fut introduit dans les cylindres, un jet de vapeur jaillit de la trompe, les roues de la machine, mises en mouvement, actionnèrent les pattes du géant d'acier, et le train s'ébranla tout d'une pièce. Aucun de mes compagnons ne me contredira, si j'affirme qu'il y eut tout d'abord un vif mouvement de surprise chez les animaux qui se pressaient au premier rang. Entre eux s'ouvrit un plus large passage, et la route parut être assez dégagée pour permettre d'imprimer à Steamhouse une vitesse qu'eût égalée celle d'un cheval au petit trot. Mais aussitôt, toute la masse proboscidienne, une expression du capitaine Hod, de se mouvoir en avant, en arrière. Les premiers groupes prirent la tête du cortège, les derniers suivirent le train. Tous paraissaient bien décidés à ne point l'abandonner. En même temps, sur les côtés de la route, plus large en cet endroit, d'autres éléphants nous accompagnèrent, comme des cavaliers aux portières d'un carrosse. Mâles et femelles étaient mélangés. Il y en avait de toute taille, de tout âge, des adultes de 25 ans, des hommes faits de 60, de vieux pachydermes plus que centenaires, des bébés près de leur mère, qui, les lèvres appliquées à leurs mamelles et non leurs trompes, comme on l'a cru parfois, les tétaient en marchant. Toute cette troupe gardait un certain ordre, ne se pressait pas plus qu'il ne fallait, réglait son pas sur celui du géant d'acier. « Qu'il nous escorte ainsi jusqu'au lac, » dit le colonel Munro. « J'y consens. »« Oui, » répondit Callaghany. « Mais qu'arrivera-t-il lorsque la route redeviendra plus étroite ?» Là était le danger. Aucun incident ne se produisit pendant les 3 heures qui furent employées à franchir 12 kilomètres sur les 15 que mesurait la distance du campement au lac Puturia. 2 ou 3 fois seulement, quelques éléphants s'étaient portés en travers de la route, comme si leur intention eût été de la barrer. Mais le géant d'acier, ses défenses pointées horizontalement, marcha sur eux, leur cracha sa vapeur à la face, et ils s'écartèrent pour lui livrer passage. À 10 heures du matin, 4 à 5 kilomètres restaient à faire pour atteindre le lac. Là, on l'espérait du moins, nous serions relativement en sûreté. Il va sans dire que si les démonstrations hostiles de l'énorme troupeau ne s'accentuaient pas avant notre arrivée au lac, Banks comptait laisser le Puturia dans l'ouest, sans s'y arrêter, de manière à sortir le lendemain de la région des Vindhya. De là, la station de Jubbulpur, ce ne serait plus qu'une question de quelques heures. J'ajouterai ici que le pays était non seulement très sauvage, mais absolument désert. Pas un village, pas une ferme, ce que motivait l'insuffisance des pâturages, pas une caravane, pas même un voyageur. Depuis notre entrée dans cette partie montagneuse du Bundelkund, nous n'avions rencontré âme qui vive. Vers 11 heures, la vallée que suivait Steamhouse, entre deux puissants contreforts de la chaîne, commença à se resserrer. Ainsi que l'avait dit Kalagani, la route allait redevenir très étroite jusqu'à l'endroit où elle débouchait sur le lac. Notre situation, déjà fort inquiétante, ne pouvait donc que s'aggraver encore. En effet, si les fils d'éléphants s'étaient tout simplement allongés en avant et en arrière du train, la difficulté ne se fût pas accrue. Mais ceux qui marchaient sur les flancs n'y pouvaient rester. Ils nous eussent broyés contre les parois rocheuses de la route, où ils auraient été culbutés dans les précipices qui l'abordaient en maint endroit. Par instinct, ils tentèrent donc de se placer soit en tête, soit en queue. Il en résulta bientôt qu'il ne fut plus possible ni de reculer, ni d'avancer. « Cela se complique, » dit le colonel Munro. « Oui, » répondit Banks, « et nous voilà dans la nécessité d'enfoncer cette masse. »« Eh bien, fonçons, enfonçons !» s'écria le capitaine Hod. « Que diable ! Les défenses d'acier de notre géant valent bien les défenses d'ivoire de ces sottes bêtes. » Les proboscidiens n'étaient plus que de sottes bêtes pour le mobile échangeant capitaine. « Sans doute, » répondit le sergent McNeil, « mais nous sommes 1 contre 100. »« En avant quand même !» s'écria Banks, « ou tout ce troupeau va nous passer dessus !» Quelques coups de vapeur imprimèrent un mouvement plus rapide au géant d'acier. Ses défenses atteignirent à la croupe un des éléphants qui se trouvait devant lui. Cri de douleur de l'animal, auquel répondirent les clameurs furieuses de toute la troupe. Une lutte, dont on ne pouvait prévoir l'issue, était imminente. Nous avions pris nos armes, les fusils chargés de balles coniques, les carabines chargées de balles explosibles, les revolvers garnis de leurs cartouches. Il fallait être prêt à repousser toute agression. La première attaque vint d'un gigantesque mâle, de farouche mine, qui, les défenses en arrêt, les pattes de derrière puissamment arc-boutées sur le sol, se retourna contre le géant d'acier. « Un Gunesh ! » s'écria Kalagani. « Bon, il n'a qu'une défense !» répliqua le capitaine Hod, qui haussa les épaules en signe de mépris. « Il n'en est que plus terrible !» répondit l'hindou. Kalagani avait donné à cet éléphant le nom dont les chasseurs se servent pour désigner les mâles qui ne portent qu'une seule défense. Ce sont des animaux particulièrement révérés des hindous, surtout lorsque c'est la défense droite qui leur manque. Tel était celui-ci, et ainsi que l'avait dit Kalagani, il était très redoutable, comme tous ceux de son espèce. On le vit bien. Ce Gunesh poussa une longue note de clairon, recourba sa trompe, dont les éléphants ne se servent jamais pour combattre, et se précipita contre notre géant d'acier. Sa défense frappa normalement la toile de la poitrine, la traversa de part en part, mais rencontrant l'épaisse armure du foyer intérieur, elle se brisa net au choc. Le train tout entier ressentit la secousse. Cependant, la force acquise l'entraîna en avant et il repoussa le Gunesh, qui, lui faisant tête, essaya vainement de résister. Mais son appel avait été entendu et compris. Toute la masse antérieure du troupeau s'arrêta et présenta un insurmontable obstacle de chair vivante. Au même moment, les groupes de l'arrière, continuant leur marche, se poussèrent violemment contre la véranda. Comment résister à une pareille force d'écrasement ? En même temps, quelques-uns de ceux que nous avions en flanc, leurs trompes levées, se cramponnaient au montant des voitures qu'ils secouaient avec violence. Il ne fallait pas s'arrêter, ou s'en était fait du train, mais il fallait se défendre. Plus d'hésitation possible, fusils et carabines furent braqués sur les assaillants. « Que pas un coup ne soit perdu !» cria le capitaine Hod. « Mes amis, visez-les à la naissance de la trompe, ou dans le creux, qui est au-dessous de l'œil, c'est souverain !» Le capitaine Hod fut obéi. Plusieurs détonations éclatèrent, qui furent suivies de hurlements de douleur. 3 ou 4 éléphants, touchés au bon endroit, étaient tombés en arrière et latéralement, circonstance heureuse, puisque leurs cadavres n'obstruaient pas la route. Les premiers groupes s'étaient un peu reculés et le train put continuer sa marche. « Rechargez et attendez !» cria le capitaine Hod. Si ce qu'il commandait d'attendre était l'attaque du troupeau tout entier, ce ne fut pas long. Elle se fit avec une violence telle que nous nous crûmes perdus. Un concert de furieux et rauques hurlements éclata soudain. On eût dit de ces éléphants de combat que les hindous, par un traitement particulier, amènent à cette surexcitation de la rage nommée Must. Rien n'est plus terrible, et les plus audacieux éléphantadors, élevés dans le Guicobar, pour lutter contre ces redoutables animaux, auraient certainement reculé devant les assaillants de Stimhouse. « En avant !» criait Banks. « Feu !» criait Hod. Et au hennissement plus précipité de la machine se joignaient les détonations des armes. Or, dans cette masse confuse, il devenait difficile de viser juste, ainsi que l'avait recommandé le capitaine. Chaque balle trouvait bien un morceau de chair à trouer, mais elle ne frappait pas mortellement. Aussi, les éléphants, blessés, redoublaient-ils de fureur, et à nos coups de fusil, ils répondaient par des coups de défense qui éventraient les parois de Stimhouse. Cependant, aux détonations des carabines déchargées à l'avant et à l'arrière du train, à l'éclatement des balles explosibles dans le corps des animaux, se joignaient les sifflements de la vapeur surchauffée par le tirage artificiel. La pression montait toujours. Le géant d'acier entrait dans le tas, le divisait, le repoussait. En même temps, sa trompe mobile, se levant et s'abattant comme une massue formidable, frappait à coups redoublés sur la masse charnue que déchiraient ses défenses. Et l'on avançait sur l'étroite route. Quelquefois, les roues patinaient à la surface du sol, mais elles finissaient par le remordre de leurs jambes treillées et nous gagnions du côté du lac. « Hurrah ! » criait le capitaine Hod, comme un soldat qui se jette au plus fort de la mêlée. « Hurrah ! Hurrah ! » répétions-nous après lui. Mais, bientôt, une trompe s'abat sur la véranda de l'avant. Je vois le moment où le colonel Munro, enlevé par ce lasso vivant, va être précipité sous les pieds des éléphants. Et il en eût été ainsi, sans l'intervention de Kalagani qui tranche la trompe d'un vigoureux coup de hache. Ainsi donc, tout en prenant part à la défense commune, l'hindou ne perdait pas de vue Sir Edward Munro. Dans ce dévouement à la personne du colonel qui ne s'était jamais démenti, il semblait comprendre que c'était celui de nous qu'il fallait avant tout protéger. Ah, quelle puissance notre géant d'acier contenait dans ses flancs! Avec quelle sûreté il s'enfonçait dans la masse, à la manière d'un coin, dont la force de pénétration est pour ainsi dire infinie. Et comme au même moment, les éléphants de l'arrière-garde nous poussaient de la tête, le train s'avançait sans arrêt, sinon sans secousse, et marchait même plus vite que nous n'eussions pu l'espérer. Tout à coup, un bruit nouveau se fit entendre au milieu du vacarme général. C'était la seconde voiture qu'un groupe d'éléphants écrasait contre les roches de la route. « Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous !» cria Banks à ceux de nos compagnons qui défendaient l'arrière de Stimhouse. Déjà Gomi, le sergent, Fox, avaient précipitamment passé de la seconde voiture dans la première. « Et par hasard ?» dit le capitaine Hod. « Il ne veut pas quitter sa cuisine !» répondit Fox. « Enlevez-le ! Enlevez-le !» Sans doute notre chef pensait que c'était un déshonneur pour lui d'abandonner le poste qui lui avait été confié. Mais résister aux bras vigoureux de Gomi, lorsque ses bras se mettaient à l'œuvre, autant aurait valu prétendre échapper aux mâchoires d'une cisaille. Monsieur Parazar fut donc déposé dans la salle à manger. « Vous y êtes tous ?» cria Banks. « Oui, monsieur, » répondit Gomi. « Coupez la barre d'attelage !»« Abandonner la moitié du train ?» s'écria le capitaine Hod. « Il le faut !» répondit Banks. Et la barre coupée, la passerelle brisée à coups de hache, notre seconde voiture resta en arrière. Il était temps. Cette voiture venait d'être ébranlée, soulevée, puis chavirée, et les éléphants, se jetant sur elle, achevèrent de l'écraser de tout leur poids. Ce n'était plus qu'une ruine informe qui, maintenant, obstruait la route en arrière. « Hein ?» fit le capitaine Hod, d'un ton qui nous eût fait rire, si la situation y eût prêté. « Et dire que ces animaux n'écraseraient même pas une bête à bon Dieu ?» Si les éléphants, devenus féroces, traitaient la première voiture comme ils avaient traité la seconde, il n'y avait plus aucune illusion à se faire sur le sort qui nous attendait. « Force les feux, Kalout !» cria l'ingénieur. Un demi-kilomètre encore, un dernier effort, et le lac Puturia était peut-être atteint. Ce dernier effort qu'on attendait du géant d'acier, le puissant animal le fit sous la main de Stor, qui ouvrit en grand le régulateur. Il fit une véritable trouée à travers ce rempart d'éléphants, dont les arrière-trains se dessinaient au-dessus de la masse, comme ces énormes croupes de chevaux qu'on voit dans les tableaux de bataille de Salvator Rosa. Puis, il ne se contenta pas de les larder de ses défenses. Il leur lança des fusées de vapeur brûlante, ainsi qu'il avait fait aux pèlerins du Falgou. Il leur cingla des jets d'eau bouillante. Il était magnifique. Le lac apparut enfin au dernier tournant de la route. S'il pouvait résister 10 minutes encore, notre train y serait relativement en sûreté. Les éléphants, sans doute, sentirent cela, ce qui prouvait en faveur de leur intelligence, dont le capitaine Hood avait soutenu la cause. Ils voulurent une dernière fois renverser notre voiture. Mais les armes à feu tonnèrent de nouveau. Les balles s'abattirent comme grêle jusque sur les premiers groupes. À peine 5 ou 6 éléphants nous barraient-ils encore le passage. La plupart tombèrent, et les roues grincèrent sur un sol rouge de sang. À 100 pas du lac, il fallut repousser ceux de ces animaux qui formaient un dernier obstacle. « Encore, encore !» cria Banks au mécanicien. Le géant d'acier ronflait comme s'il renfermait un atelier de dévideuses mécaniques dans ses flancs. La vapeur fusait par les soupapes sous une pression de 8 atmosphères. À les charger, si peu que ce fût, on eût fait éclater la chaudière dont les tôles frémissaient. Ce fut inutile, heureusement. La force de géant d'acier était maintenant irrésistible. On eût pu croire qu'il bondissait sous les coups de piston. Ce qui restait du train le suivit, écrasant les membres des éléphants jetés à terre, au risque d'être culbuté. Si un pareil accident se fût produit, c'en était fait de tous les hôtes de Steamhouse. L'accident n'arriva pas. La berge du lac fut enfin atteinte, et le train flotta bientôt sur les eaux tranquilles. « Dieu soit loué !» dit le colonel Munro. 2 ou 3 éléphants, aveuglés par la fureur, se précipitèrent dans le lac. Ils essayèrent de poursuivre à sa surface ceux qu'ils n'avaient pu anéantir en terre ferme. Mais les pattes du géant firent leur office. Le train s'éloigna peu à peu de la rive, et quelques dernières balles, convenablement ajustées, nous délivrèrent de ces monstres marins, au moment où leur trompe allait s'abattre sur la véranda de l'arrière. « Eh bien, mon capitaine, s'écria Banks, que pensez-vous de la douceur des éléphants de l'Inde ?»« Pouh ! » fit le capitaine Hood, « ça ne vaut pas les fauves. Mettez-moi 30aine de tigres seulement à la place de 700aine de pachydermes, et que je perde ma commission, si à l'heure qu'il est, un seul de nous serait encore vivant pour raconter l'aventure. »